بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 69 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et hier on avait commencé un chapitre, ou bien plutôt avant-hier, on avait commencé une section dans le livre où le cheikh expliquait que les meilleurs d'entre les awliya, après les prophètes, sont les sahaba. Et qu'il n'y a personne après les sahaba qui sont meilleurs qu'eux. Et tout ça pour expliquer en fait que les soufis qui disent par exemple qu'il y a un khatim pour les awliya, comme il y a un khatim pour les anbiya, et que étant donné que le dernier des Anbiya c'est le meilleur des prophètes, donc le meilleur des Awliya, eux ils disent c'est le meilleur des Awliya, le dernier des Awliya ou le sceau des Awliya, ils disent que c'est le meilleur des Awliya. Puis certains d'entre eux, comme le Cheikh, il dit que le meilleur d'entre les le dernier des Awliya, ils disent qu'il est même meilleur que le dernier des prophètes. Donc on voit que ça va loin dans leurs égarements. Et le cheikh il expliquait Ibn Taymiyyah au dernier cours que Al-Hakim al-Tirmidhi, c'est lui le premier qui a ramené cette idée. Hein? Al-Hakim al-Tirmidhi, son nom on l'avait mentionné hier, Muhammad ibn Ali. D'accord. Et puis ensuite, il passe à l'explication d'un autre parmi les soufis qui a ramené cette idée-là aussi. Il dit وَأَنَّ الْأَنْبِيَا يَسْتَفِيدُونَ, donc il disait que le khatim des awliya est meilleur que certains d'entre les soufis. Ils disent que le khatim al-awliya est meilleur que khatim al-anbiya parce qu'ils prennent la science directement d'Allah, contrairement aux prophètes, que eux les prophètes ils prennent par un ange, l'intermédiaire d'un ange, hein? Donc ils disent les awliya sont meilleurs. Et le cheikh il dit ensuite وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته. Et par rapport à ce point-là, Cheikh Al-Fawzan il dit حتى إنه يقول إن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء. Donc il prétend même que le dernier des prophètes ou bien les prophètes prennent leur science du sceau des awliya. Donc Allah al-musta'an. C'est-à-dire qu'ils ont plus de science que les anbiya selon eux. Il dit wal anbiya yastafiduna al ilm billahi min jihati khatim al awliya. Limadha? Li'anna khatim al awliya ya'khudhu 'an Allah mubasharatan fal anbiya wa alaykum assalam wa rahmatullah fal anbiya yastafiduna minhu. Donc ils prétendent que les prophètes prennent leur science du khatim al awliya. Donc ça montre un peu leur extrémisme et leur égarement. Après Cheikh il dit wa kama yaz'umu dhalika ibn Arabi صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص فصوص الحكم. Donc il parle d'un autre soufi maintenant, et celui-là c'est une des têtes parmi les soufis, mais il fait partie de ceux qu'on appelle أهل وحدة الوجود. Donc ça c'est une des branches parmi les soufis qui sont vraiment extrêmes et qui disent que il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Le créateur et la créature, c'est la même chose. C'est ça forme une seule existence. Et c'est pour ça qu'ils disent Wahdatul Wujud. Il y a une seule existence qui existe, et c'est Allah. Et donc, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de créature. Il n'y a que Allah qui existe. D'accord? Donc, tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah. Et si tu distingues entre cette bouteille d'eau, ce cellulaire, cette table, cette mosquée, cet immeuble, et la terre et le ciel et tout ce qu'il y a dedans, et tu fais une différence entre ça et Allah, ça veut dire que pour eux t'es un mushrik, hein? Donc tu vois une conception vraiment panthéiste, hein? C'est une idée, qu'est-ce qu'on appelle cette croyance dans la langue française, ils appellent ça le panthéisme, c'est-à-dire que tout ce qui existe est Dieu, ou bien que Dieu est dans toute chose. C'est ça que beaucoup d'entre les mouchriquines qui prient à des idoles, ils croient ça. Ils disent on n'adore pas les idoles elles-mêmes, on adore Dieu qui est manifesté dans l'idole. Donc c'est une façon comment ils justifient, ils essaient de justifier l'idolâtrie et le shirk de cette manière. Donc Ibn Arabi, son nom au complet, c'est Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Arabi al-Ta'i al-Andalusi. Il dit « Wulida bi Murcia ». Il est né dans la ville de Murcia en Espagne, parce qu'il est de l'Andalousie. Et c'est en quelle année? En l'année 560, donc en l'an 560. Ça, c'est l'année de sa naissance. Et ensuite, il dit wa nasha'a biha, donc c'est là-bas qu'il a grandi. وانتقل إلى إشبيلية سنة 78. Donc en l'an 578, il a déménagé à إشبيلية, une autre ville espagnole de l'Andalousie. وارتحل إلى بلاد الشام. Ensuite, il est parti vers la région de la Syrie et la Palestine, qu'est-ce qu'on appelle en arabe الشام par la suite. ثم أقام بمكة مدة. Puis ensuite il est parti un certain temps à Mecca. صنف فيها كتابه الفتوحات المكية. Il a écrit son livre qui s'appelle الفتوحات المكية وله كتاب مسمى بفصوص الحكم. Donc il a aussi un livre qui s'appelle فصوص الحكم. Ces livres là existent aujourd'hui, hein, encore. Ils sont publiés, même sont traduits dans des langues européennes, dans les bibliothèques des universités d'Europe, et même ici à Montréal, ils ont leurs livres. Une fois, j'ai rencontré un soufi, il avait la traduction du livre dans sa main. Donc, ça veut dire que c'est des livres qui existent et qui sont publiés, qui sont traduits même. Hein. Et le cheikh il dit « وَفِيهَا أَشْيَا كَثِيرَ ظَاهِرُهَا » Kufrun sarih. Il y a des choses dedans dont le sens apparent est une mécréance explicite et claire. Il y a beaucoup de ulama qui ont écrit des livres pour réfuter cet homme, Ibn Arabi, et qui le considèrent comme un hérétique, hein, quelqu'un qui est vraiment dévié. Zindiq, yani. Le cheikh, il mentionne donc par rapport, premièrement, à son livre, فتوحات المكية. الكتاب فتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية. المالكية والملكية لابن عربي. الذي وهو من أكبر كتبه وآخرها تأليفا. قضى في وضعه 30 سنة أو أكثر. وقال فيه كنت نويت الحج والعمرة فلما وصلت أم القرى أقام الله سبحانه وتعالى في خاطري أن أعرف الولي بفنون من المعارف حصلت عليها في غيبتي وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله سبحانه وتعالى علي عند طوافي ببيته المكرم وقال في الباب 48 واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عند اختياري ولا عند نظر فكري وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره وقد نظر كلاما وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني بين آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاة وقال واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه. انتهى. يعني ça c'est des paroles qu'il mentionne, qu'il dit dans un de ses chapitres dans son livre Futuhat al-Makki. Il dit qu'est-ce que j'écris dans mon livre, c'est pas de moi-même et c'est pas moi qui a choisi l'ordre, des chapitres, c'est Allah qui m'a inspiré ça, hein. Et il dit peut-être que je vais dire des paroles un petit peu dont le début n'a pas de relation avec la fin ou des choses comme ça, il y en a, donc un peu bizarre. Mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça dans ce livre-là. Je me demande pourquoi ils n'ont pas mentionné d'autres exemples plus graves encore. Mais ça, c'est juste pour montrer en fait un exemple. Après, il parle de Fusus al-Hikam. Et il mentionne par rapport à ce livre-là d'autres choses. Et il dit à propos de ce livre-là, Fusus al-Hikam, « Man am'ana al-nazar fi Fusus al-Hikam wa an'ama al-ta'ammul » لا حله العجب فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين إما من الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر ونسأل الله العفو وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا نسأل الله العفو وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى صور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. Donc il cite ici à propos de ce livre-là la parole de Al-Dhahabi dans son livre Mizan al-I'tidal. Il parle de Fusus al-Hikam et de Ibn Arabi et il dit que celui qui lit le livre de Ibn Arabi va trouver dedans des choses graves, des choses étonnantes. Il dit la personne qui va lire ce livre-là, elle est donc de deux catégories, soit que c'est une personne qui fait partie des ittihadiyya, qui croit en wahdatul wujud et toutes ces croyances d'idées que Allah est en toutes choses et ainsi de suite, ou bien un croyant qui va lire ça et qui va constater que c'est une des plus grandes formes de kufr, hein, la plus grande forme de kufr. Et on demande à Allah de nous épargner et de nous donner la foi dans notre cœur et de nous raffermir avec une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit parce que je jure par Allah que si le musulman vivait toute sa vie ignorant derrière une vache, hein, qui ne connaissait de la science que certaines sourates dans le Coran par lesquelles il peut faire ses prières, et qu'il croit en Allah et au jour dernier, c'est mieux pour lui, hein, d'être comme ça que d'avoir toutes les histoires, les connaissances de ces réalités que Ibn Arabi a mentionnées dans ses livres, ou même, et même d'avoir lu une centaine de livres, ou d'avoir fait une centaine de retraites spirituelles comme les soufis le font. En voulant dire que d'être ignorant de ces livres-là, c'est mieux que de les connaître. Ensuite, le cheikh il dit à propos de ça, cheikh al-Fawzan il dit Ibn Arabi al-Ta'i al-Hatimi, الذي وصل به الضلال والكفر إلى وحدة الوجود يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله وأنه ليس هناك خالق ومخلوق بل الوجود كله هو الله والذي يقول هناك خالق ومخلوق وهذا مشرك عند ابن عربي انتهى به الضلال إلى هذا الحد الوجود كله هو الله وليس هناك انقسام بين خالق ومخلوق. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure à propos d'Ibn Arabi et de sa croyance en wahdatul wujud, et qu'il pense qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Pour lui, l'existence est une seule et unique créature, une seule et unique existence qui est Allah. Donc celui qui distingue entre créateur et créature est un mushrik. Donc c'est comme ça qu'il explique la religion. Donc Ibn Arabi, lui, par exemple, il disait que si un idolâtre prie à une idole ou à une vache ou à une statue, mais qu'il ne fait pas de distinction entre ça et Allah, donc il n'est pas mushrik. Mais s'il fait une différence entre l'idole et Allah, alors là, il est mushrik. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh dit fakhalafa al-shar' wa al-'aql ma'a mukhalafati jami'i anbiya'illahi ta'ala wa awliya'ihi. Donc Ibn Taymiyyah dit il a contredit, Ibn Arabi, il a contredit la religion, hein, la révélation et la raison, en plus d'avoir contredit tous les prophètes d'Allah et tous les awliya d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan il dit wa qala maqalatan la yaqulha ahad mimman sabaqahu wa mimman yati ba'dahu wa huwa al-qawl bi anna al-awliya mashayikh lir-rusul wa anna ar-rusul ya'khuduna minhum. Donc il a dit une parole que personne avant lui n'avait jamais dite, hein, parmi et ni personne oui, c'est ça. Lam yaqulha ahad mimman sabaqahu wa mimman yati ba'dahu. Même après lui, personne n'a jamais dit ça. Ni avant ni après. Que les awliya sont les shuyukh des messagers. Et que c'est de eux que les messagers ont appris la religion. C'est grave. Et le shaykh dit ensuite, kama yuqal liman qala fa kharra alayhim as-saqf min tahtihim. La aqla wa la Qur'an. Yani c'est comme yani certains ont dit, yani pour celui qui a dit par exemple le toit est tombé par-dessus eux, ils n'ont ni raison ni Qur'an. يقول يقال إن قارئا يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فقالت له امرأة أعرابية انظر في القرآن السقف من فوق وليس من تحت والسقف لا يكون من تحت أبدا فلا عقل ولا قرآن القرآن ليس هكذا وليس وهو ليس عند عقل يميز أن السقف يكون فوق وليس أسفل من تحت فهذا ابن مثل ابن عربي الذي يقول إن الرسول يأخذ من الولي ويأخذ الأعلى ممن تحته يعني ضروري أن تعرف هذه الأمور لأن هؤلاء استحفل أمرهم في هذا الزمان وصاروا يمثلون المسلمين والإسلام عند كثير من الناس وعند كثير من الدول فلا بد من معرفة حقيقتهم. Donc il mentionne l'exemple, il dit فَخَرَّ السَّقْفُ مِنْ تَحْتِهِمْ. C'est comme si c'est un genre de, comment on appelle, c'est, en fait il dit, c'est comme si il dit le toit est tombé par en dessous de eux. Quelqu'un a dit ça, il dit c'est comme si, en fait il dit, il y a une femme qui était une bédouine, une arabe, elle a dit le toit il tombe pas d'en bas, il tombe d'en haut. Donc comment tu peux dire le toit est tombé d'en bas. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils ont ni raison ni Coran, pour dire qu'ils contredisent même qu'est-ce qui est logique. Comment le prophète aurait appris du wali alors que quelqu'un peut pas être un wali, sauf s'il a suivi le prophète. Donc c'est dans ce sens-là pour montrer qu'ils ont pas de sens. Et le cheikh il dit de connaître ça, ces gens-là et leurs croyances, c'est quelque chose qui est très important à notre époque, parce que ces gens-là maintenant ont commencé à se propager, à se répandre, et leurs idées dans plusieurs pays sont considérées comme étant, ce sont eux qui sont reconnus comme étant les représentants de l'islam dans certains pays, et c'est eux qui représentent les musulmans dans certains pays, et donc c'est devenu important maintenant de connaître la réalité de ces gens-là et de leurs croyances, justement pour être capable de mettre en garde et d'avertir et de réfuter leurs fausses croyances. Le cheikh il dit ensuite وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة. Donc pourquoi? Parce que les prophètes sont les meilleurs à toute époque, sont toujours meilleurs que les awliya dans cette umma. Et le cheikh il dit al-anbiya asbaqu fi az-zaman min al-awliya wa al-awliya ja'u min ba'dihim fa kayfa yakunu as-sabiq ya'khudhu 'an al-lahiq hadha la yaquluhu 'aql wa hadha mithlu man yaqul khayr kharra 'alayhim as-saqfu min tahtihim. Donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que je cherche? Le mot que je cherchais tantôt par rapport à cette expression-là, c'est comme un c'est pas un pléonasme. C'est comme, je pensais que c'était ça le mot en fait, un genre de pléonasme. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme un genre de pléonasme. C'est comme si tu dis descendre en haut ou monter en bas. Oui, c'est ça. C'est pas un pléonasme, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. C'est comme il dit, le toit est tombé en dessous d'eux. Donc c'est quelque chose qui est pas logique. Hein? C'est une chose qui est contraire à la raison. Donc le cheikh il dit, les prophètes sont venus avant les awliya, hein? Et les awliya viennent après les prophètes. Alors comment, hein, celui qui est venu avant prendrait de celui qui vient après? C'est comme ceux qui disent par exemple que Ibn Taymiyyah était un wahhabi, alors que Mohammed ibn Abdul Wahhab est né peut-être 600 ans après lui. Ouais, ça fait pas de sens. Mais il y a des gens comme ça, ils disent des choses qui font pas de, qui sont contraires à la raison, qui font aucun sens. Donc c'est comme si on disait le toit est tombé en dessous d'eux, en dessous de leurs pieds, ça fait pas de sens. Et après il dit le cheikh, wal anbiya alayhim afdalu salat was salam afdalu min al awliya. Donc les prophètes alayhim salat was salam sont meilleurs que les awliya. Hein? Donc al-anbiya afdalu min al-anbiya fa kayfa bir-rusul, ar-rusul afdalu min al-anbiya. Donc il dit, si les prophètes, hein, on dit les prophètes sont meilleurs que les awliya, alors que dire des messagers? Les messagers sont meilleurs que les prophètes, hein? Donc ça veut dire que les prophètes, les messagers sont meilleurs que les awliya et sont meilleurs que les anbiya. Donc le cheikh dit, فَكَيْفَ الْأَنْبِيَا كُلُّهُمْ. Donc comment ces gens-là pourraient-ils prétendre être meilleurs que les prophètes? فَكَيْفَ أَنَّ الْأَوْلِيَا يَسْتَفِيدُونَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ مِمَّنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ هَلْ يُعْقَلُ أَنَّ الْمُتَقَدِّمْ يَسْتَفِيدُ مِنَ الْمُتَأَخِرِ بِأَزْمَانٍ وَقُرُونَ لَا هَذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ. Donc il répète toujours ce point-là en fait. Et il dit, وَالْأَوْلِيَا إِنَّمَا يَسْتَفِيدُونَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ مِمَّنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ وَيَدَّعِي أَنَّهُمْ خَاتِمُ الْأَوْلِيَا. Hein? وليس آخر الأولياء أفضلهم. Hein? كما أن آخر الأنبياء أفضلهم. Donc on ne peut pas dire que le dernier des Aulia c'est le meilleur d'entre eux, de la même manière que le dernier des prophètes est le meilleur d'entre eux. هذه مسألة منازع فيها أيضا. ليس خاتم الأولياء على القول بوجوده مع أنه فرضي ليس بحقيقي وليس بحقيقي ولكن القول بوجوده ليس هو أفضل ممن سبقه من الأولياء بل الذي سبقوه أفضل منه فالقياس هذا باطل يقولون إن آخر الأولياء هو أفضلهم كما أن آخر الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهذا قياس باطل وفرق بين الولي والرسول وفرق بين فرق كثير بين الولي والرسول فهو قياس مع الفارق. Donc ils disent, si on supposait par exemple, parce qu'eux ils prétendent que, étant donné que le dernier des awliya, le dernier des prophètes c'est le meilleur, donc ils disent le dernier des awliya c'est le meilleur aussi. Il dit ça, le cheikh il dit, si on supposait que ça existe, si on suppose que le dernier des awliya ça existerait vraiment. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit ça, c'est juste une supposition, c'est pas réel. Hein? Mais si on suppose que il existait réellement Khatim al-Awliya, il existait, supposons, hein, il n'est pas meilleur que ceux qui l'ont précédé parmi les Awliya. Au contraire, les Awliya qui l'ont précédé sont meilleurs que lui. Et de vouloir faire cette analogie, c'est faux. C'est-à-dire de prétendre que parce que le dernier des prophètes est meilleur, donc le dernier des Awliya est meilleur. C'est faux, parce qu'il y a une grande différence entre le wali et le messager. Hein? Donc cette analogie elle est fausse. Et le cheikh il dit ensuite, فَإِنَّ فَضْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ فَضْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ الدَّلَّةِ عَلَى ذَلِكَ كَقَوْلِهِ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمْ وَلَا فَخَرْ وَقَوْلِهِ آتي باب الجنة فأفتحها فأفتحه آتي باب الجنة فأستفتح فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. Donc le cheikh il dit l'excellence ou le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que les autres parmi les messagers, ça c'est établi par les preuves du Coran et de la Sunna. Et il dit, comme par exemple le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le maître des fils d'Adam ». Et il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire, je ne le dis pas pour me vanter, hein, c'est la réalité. Et il mentionne un autre hadith qui dit, lorsqu'il va arriver à la porte du paradis, il va demander à ce que la porte s'ouvre. Et le gardien de la porte du paradis va demander, qui es-tu? Et il va dire, je suis Mohammed. Alors l'ange ou le gardien de la porte du paradis va dire, c'est à toi que j'ai été commandé, hein, c'est à toi que j'ai été commandé de n'ouvrir la porte à personne d'autre que à toi. Hein. Je dois pas ouvrir la, j'ai été commandé de ne pas ouvrir la porte à personne, hein, autre que toi. C'est-à-dire à toi en premier. Hein. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim aussi. Ça fait partie des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur, hein, que les autres messagers. Et il y a d'autres preuves aussi. Comme par exemple Al-Shafa'a, hein, au jour de la résurrection, quand tout le monde va, les hommes vont aller à chacun d'entre les messagers pour demander l'intercession pour que le jugement puisse commencer, et chacun d'entre les messagers, hein, vont s'excuser jusqu'à ce que ça arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui va intercéder. Donc ça veut dire que ça, c'est une preuve supplémentaire à ce sujet là et il mentionne Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc Cheikh al-Fawzan, il mentionne ce point-là, il donne un commentaire là-dessus. يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم جميعا وفيهم الرسل. Donc il dit, quand il dit qu'il est le maître des fils d'Adam, ça veut dire que ça comprend tous les fils d'Adam, y compris les messagers. Ensuite il dit ولا فخر يعني أنه لم يخبر بهذا من باب الافتخار وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, il l'a pas dit pour se vanter, il a dit ça uniquement dans le sens de vouloir parler de la grâce d'Allah et mentionner la grâce d'Allah sur lui. Après il mentionne à propos du hadith, à propos de l'ouverture de la porte du paradis. Il dit, هذا يدل على أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه أول من يستفتح باب الجنة ولم يؤذن للملك الخازن للجنة أن يفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على فضله صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت بالأدلة لا بالادعاء كما تقوله الصوفية لخاتم الأولياء فثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. Donc le cheikh dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures, c'est prouvé par le fait que c'est à lui qu'on va ouvrir la porte du paradis en premier, et que le gardien, hein, l'ange gardien qui garde la porte du paradis, on ne lui a pas permis d'ouvrir la porte pour personne d'autre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la preuve de son mérite et de son excellence, et le fait qu'il est meilleur, et c'est établi par, hein, ça fait partie des preuves, et c'est pas donc une prétention, contrairement à ce que disent les soufis à propos du Khatim al-Awliya qu'elles ont inventé. Hein? Donc le fait que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, soit le meilleur des prophètes, ça c'est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna. Ensuite, le Cheikh il dit Walaylat al-Mi'raj. Cheikh l'Islam il dit Walaylat al-Mi'raj rafa'a Allahu darajatahu fawqa al-anbiya'i kullihim. فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Donc dans la nuit de l'ascension, dans la nuit de l'ascension, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus du degré de tous les autres prophètes, puisqu'il est monté au dernier des cieux pendant l'ascension. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, hatta tajawaza as-sab' at-tibaq fi al-mi'raj ila as-sama' laylat al-mi'raj wa hadhihi martaba lam yasilha an-nabiyyun li'an al-anbiya'a fi as-samawat wa kullama ya'ti ila sama'in yamurru 'ala man fiha min al-anbiya' hatta jawaza as-samawat as-sab' fa sara fawqa al-anbiya'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette ascension, il a dépassé les sept cieux. Dans son ascension, dans la nuit de Al-Mi'raj, il a atteint un degré plus élevé que tous les autres prophètes. Parce que chaque fois qu'il arrivait à un des cieux, il dépassait un des prophètes qui étaient dans ce ciel-là, jusqu'à ce qu'il arrive au septième. Il a dépassé le septième, il est arrivé à un degré au-dessus de tous les autres prophètes, et donc ça correspond au verset dans Sourate Al-Mi'raj, dans Sourate Al-Baqarah pardon, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le verset 253, c'est parmi ces messagers là il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré sur d'autres. Parmi eux, il y en a à qui Allah a parlé et il a élevé certains en degré. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été parmi les prophètes au plus haut de tous les degrés. Et le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, Allahu yufaddilu ba'd al-khalq ala ba'd al-rusul wa ghayrihim minhum man kallam Allah wa huwa Musa alayhi salam wa rafa'a ba'dahum darajat kama rafa'a Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. ولكن كما سبق إنما هذا إنما يذكر من باب البيان والشكر لله لا يذكر من باب المفاخرة وتنقص المفضول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء يعني مفاضلة فخر وقال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى أو يونس ابن متى مفاضلة الفخر. Le Cheikh il explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala il a préféré certaines créatures sur d'autres, parmi les créatures les messagers et d'autres également. Et il dit parmi les messagers il y en a à qui Allah a parlé, et par exemple Moussa alayhi salam, et il a élevé d'autres en degré comme il a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et comme on l'a expliqué, on dit cela uniquement pour clarifier et pour être reconnaissant envers Allah, et non pas dans le but de la vantardise ou pour diminuer ceux qui sont moins méritants que lui, ou moins favorisés que lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement, ne faites pas de préférence entre les prophètes, ou de favoritisme entre les prophètes, c'est-à-dire dans le sens de vouloir faire du favoritisme dans la vantardise ou de vanter un par rapport à l'autre. Et dans un autre hadith il a dit, il n'est pas correct pour un serviteur de dire que je suis meilleur que Yunus, le prophète Yunus ibn Matta. Donc il dit dans le sens de vouloir faire de la vantardise, parce que certes tu vantes un prophète et les autres ils vont essayer par la suite de faire le contraire ou de dénigrer l'autre prophète, et ça c'est pas correct. Après le Cheikh il dit il a réli dhalika min ad-dala'il كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق بخلاف المسيح أحالهم إلى أكثر الشريعة على التوراة وجاء المسيح فكملها. Donc le cheikh il dit, ainsi que d'autres parmi les preuves qui ont été mentionnées par rapport à ça, et donc tous les prophètes ont reçu la révélation de la part d'Allah, en particulier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas eu besoin dans sa mission de prophète de quelqu'un d'autre. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Et il n'a pas eu besoin de la charia d'un prophète précédent, ni d'un prophète qui allait le suivre. Et contrairement dans ça, il est contrairement au Messie Jésus, qui référait les gens à une charia qui l'a précédé, c'est-à-dire la Torah. Et Isa, le Messie, est venu pour compléter cette Torah, compléter la révélation de la Torah. Tandis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Il est venu avec une charia complète et qui vient abroger celle qui précède. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce passage-là, par rapport au premier point, que les prophètes ont pas besoin, ils reçoivent la révélation, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Et le cheikh il dit, وميزة الأنبياء على غيرهم أنهم يأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى أما غيرهم فلا يوحى إليه ولا يوحى إلا إلى الأنبياء فهم أفضل الخلق لاختصاصهم بتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la particularité des prophètes sur les autres hommes, c'est justement qu'ils reçoivent la révélation de la part d'Allah سبحانه وتعالى. Tandis que les autres, ils ne reçoivent pas de révélation, on leur inspire rien, on leur révèle rien. Allah révèle la révélation que aux prophètes. Donc ils sont les meilleures créatures parce qu'ils ont la particularité de recevoir la révélation de la part d'Allah. Et yani, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier n'a pas eu besoin de l'aide, ou du support d'une autre révélation ou d'une autre charia. فالأنبياء لا يحتاجون في نبوتهم إلى غيرهم كما تقوله الصوفية من أنهم محتاجون إلى خاتم الأولياء وأنهم يستفيدون منه. الرسل لا يحتاجون إلى غيرهم من الخلق لأن الله أغناهم بالوحي المنزل عليهم وأكملهم بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جعل شريعته ناسخة للشرائع قبلها وأمر باتباعه وحده على جميع أهل الأرض من الجن والإنس. Donc les prophètes ont tous besoin, n'ont pas besoin dans leur mission de prophète d'avoir d'autres, de l'aide de quelqu'un d'autre. Contrairement à ce que disent les soufis, qui prétendent que les prophètes ont besoin du sceau des awliya, du sceau des saints ou des hommes pieux. Et le cheikh il dit que c'est eux, ils prétendent, les soufis, que les prophètes, c'est eux qui apprennent du khatim al-awliya. Yani, subhanallah. Donc le cheikh il dit, les messagers, ils n'ont pas besoin d'autres parmi les créatures, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a dispensés du besoin des autres par la révélation qui est révélée sur eux, et il les a parfaits, il les a complétés, et le plus complet, le plus parfait d'entre eux, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah a fait que sa charia soit celle qui est venue abroger toutes les révélations et les législations précédentes. Et il a ordonné de le suivre lui seul, à tous les habitants de la terre, qu'ils soient des hommes ou des djinns ou des êtres humains. Et il dit ça, شريعته ناسقة لما قبله لما قبلها لم تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياء ولا لاحق من خاتم الأولياء كما يقولون. Donc sa charia est venue abroger ce qui était avant, donc il n'a pas besoin de rien de ce qui a précédé, hein, parmi les législations des prophètes précédents, et il n'a pas non plus besoin de quiconque, de ceux qui viennent après lui, soi-disant comme les Khatim al-Awliya, comme le prétendent les soufis. Après, le Cheikh il dit, contrairement au Messie qui, lui, avait besoin de la Torah, il a complété la Torah, et la Torah a été révélée à Moussa alayhi salam. Donc il dit, le Cheikh al-Masih alayhi salam, Rasul min al-Rusul, walakinahu lam yunzal alayhi كتاب شريعة مستقل وإنما كان يحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى إلا أنه نسخ شيئا من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما في الجملة فإنه متبع للتوراة التي أنزلها الله على موسى وكل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة. Inna anzalna at-Tawrat fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun. An-nabiyyuna min bani Israil yahkumuna biha. Innama ja'a alayhi as-salatu was-salam bi mukammilatin faqat. Amma al-aslu fa huwa at-Tawrat. Donc le Cheikh il explique que le Messie, c'est un des messagers parmi les messagers d'Allah, sauf que il n'a pas ramené un livre de charia indépendante ou bien complètement indépendante. Hein? C'est-à-dire, il a ramené l'Injil, mais il se réfère malgré tout à la Torah. Hein? Et il dit qu'il jugeait selon la Torah que Allah a envoyée à Moussa alayhi salam, excepté qu'il a abrogé certaines des règles qui étaient dans la Torah. Comme Allah il le dit dans le verset 50 dans Surat Al-Imran, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. C'est-à-dire, pour que je vous rende licite certaines des choses qui vous avaient été interdites. Et le Cheikh il dit wa amma fil jumla fa innahu, donc en général il suivait la Torah que Allah a révélée à Moussa, hein, et il dit que tous les prophètes de Bani Israël ils jugeaient selon la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Ma'ida le verset 44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une lumière, une guidance et une lumière, et les prophètes jugent par celle-ci. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. Donc les prophètes de Bani Israël, ils jugeaient tous par la Torah, excepté que Isa alayhi salam est venu avec des choses pour venir parfaire et compléter la Torah, hein, mais à la base ils jugeaient selon la Torah. Donc le Cheikh il dit ensuite, ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث. Donc le Cheikh il dit que c'est pour ça que les chrétiens avaient besoin des prophètes précédents, hein, des prophéties précédentes à Jésus, à Isa, al Messie, comme la Torah, et ils avaient besoin de la Torah, des psaumes de David et des 24 prophéties, 24 autres prophètes, des livres des autres prophètes aussi. Il dit les autres nations avant nous, c'est-à-dire avant les musulmans, avant la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient besoin aussi des hommes inspirés qui parlaient avec inspiration divine. Contrairement à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a dispenser d'avoir besoin, hein, de quoi que ce soit d'un autre prophète ou d'avoir besoin de personnes inspirées. Parce que tout est présent dans la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il commente, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus et il dit كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام محتاجين إلى الأنبياء السابقين بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه شريعة كاملة لا تحتاج إلى ما سبق ولا إلى شيء يأتي. Donc بنو إسرائيل avait besoin de la Torah qui était descendue sur Moussa عليه السلام et ils avaient besoin des prophètes. Hein, contrairement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah lui a donné une sharia complète, hein, il n'a pas besoin de ce qui a été précédent. Ça, c'est une des choses qu'on constate, hein, entre le Coran et la Bible. Et même juste un commentaire par rapport à ça, c'est que quand tu regardes le Nouveau Testament, si tu le prends tel quel, eh bien, tu constates qu'il y a rien, il y a rien, vraiment rien de règle de la vie pour expliquer aux hommes comment vivre. Il n'y a pas de règles politiques, il n'y a pas de règles économiques, il n'y a pas de règles sur l'héritage, il n'y a pas de règles sur le mariage, il n'y a pas de règles sur le divorce, il n'y a pas de règles sur tout ce qui a rapport avec le commerce, sur les peines, sur le jugement, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas supposé d'être tout seul ce livre-là, il devait être accompagné de la Torah de Moïse. Hein ? C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui ne comprennent rien de la religion, ils mélangent tout. Parce qu'ils ont laissé de côté tout ce qui avait été révélé à Moussa alayhi salam, hein, et ils ne suivent pas les règles qui étaient dans la Torah. Et de toute façon, même s'ils l'avaient suivi, même s'ils avaient suivi la Torah ou l'Ancien Testament, et qu'ils avaient refusé ou continué à refuser de suivre ou de croire en le Coran et en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils auraient toujours été encore dans l'égarement de toute façon. Puisque hein, leur livre est abrogé et que yani, c'est une révélation qui est incomplète ou falsifiée et qui a besoin d'être remplacée par la dernière des révélations, qui est la révélation qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Tu voulais dire ? Mais ça, on n'a pas encore lu l'explication. C'est-à-dire, je ne suis pas encore arrivé à cet endroit-là. C'est là qu'est-ce que le cheikh il va expliquer, peut-être ça va rajouter plus de clarté à ce sujet-là. Il dit à propos des muhaddathin, c'est ça les inspirés, يعني mulhamin, hein, muhtajina ila mulhamin wa al-muhaddath huwa al-mulham, c'est-à-dire des personnes qui sont inspirées. Et le cheikh il dit wa ummatu Muhammad aghnahum Allah bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وما أنزله الله عليه فليس بحاجة إلى الأنبياء السابقين وليس بحاجة إلى محدثين الملهم إلى المحدثين الملهمين فإن الشريعة كاملة من كل وجه لم يحتاجوا بعده صلى الله عليه وسلم إلى نبي إلى أن تقوم الساعة لأن الشريعة كافية شاملة فليس بحاجة إلى نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فمن جاء يدعي النبوة فهو كاذب وكافر ومن صدقه فهو كافر ومن صدق المتنبئين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهذا بنص القرآن والسنة يعني وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أما الأولياء فإنهم لم يختموا الأولياء إلى أن تقوم الساعة لم يختموا كل من أطاع الله ورسوله واتقى الله فإنه ولي لله Donc le cheikh il explique, et par rapport à ça justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith qu'on a lu déjà au début du livre, le cheikh il avait expliqué déjà que dans le Bani Israël, ils avaient des hommes inspirés, hein, plusieurs hommes inspirés. Tandis que il a dit, s'il devait avoir dans ma umma un homme inspiré, eh bien Omar ibn al-Khattab, il aurait été cet homme-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que ça, c'est dit à la, de façon comme une supposition. Que s'il devait en avoir un, eh bien, ça aurait été Omar. Oui, c'est ça. Tout ça, on l'a expliqué quand on était à cette partie-là du livre. Et le cheikh, il a mentionné que Omar ibn al-Khattab, à plusieurs occasions, le Coran a confirmé ses opinions et a confirmé ce qu'il avait dit. Et il a mentionné, comme par exemple, la question à propos des prisonniers, la question à propos du hijab, et il avait mentionné une troisième aussi. Et il a dit que malgré qu'il était muhaddath, il s'est trompé dans plusieurs choses. Hein. Il s'est trompé le jour de Al-Hudaybiyah, il s'est trompé le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est trompé aussi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au murtaddin. Il a dit, comment on peut combattre ceux qui ont dit la ilaha illallah, hein, ceux qui refusaient de payer la zakat et les murtaddin. Donc c'est pour dire que malgré qu'il était muhaddaf, il s'était trompé, donc il utilisait ça comme argument contre les soufis, justement. Pour dire que même s'ils sont inspirés, ça ne veut pas dire que, hein, on doit prendre tout ce qu'ils disent. Non, ça, c'est, oui. Ça, c'est je comprends cet événement-là. Donc ça, c'est peut-être pas la même catégorie ou même degré de différence. Mais quand même, c'est pour dire qu'il peut se tromper, il n'est pas infaillible. Et ici, le cheikh, dans le sens général, il veut dire que dans la Ummah, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un prophète précédent parmi les prophètes, puis on n'a pas besoin non plus de personnes inspirées comme Bani Israël. Parce que la charia, il dit, la charia, elle est complète sur tous les plans. Et on n'a pas donc besoin d'un prophète qui est venu auparavant. Hein? Jusqu'à l'heure du jugement dernier, parce que la charia elle est déjà complète. Et il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc si quelqu'un vient après lui et prétend être un prophète, alors il est kafir. Et celui qui croit en celui qui se prétend prophète, hein, comme si quelqu'un vient et il dit moi je suis un prophète, puis quelqu'un le croit, alors lui il est kafir. Celui qui croit en ce faux prophète, il est kafir lui aussi. Il dit parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est khatamun nabiyyin, et c'est lui le sceau des prophètes, le dernier. Et ça c'est textuellement mentionné dans le Coran, le verset 40 dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le dernier ou le sceau des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Hein? Tandis que les awliya, il n'y a pas de sceau de awliya. Il n'y a pas de dernier parmi les awliya. Le dernier des awliya, ce sera le dernier des croyants qui va vivre avant la fin des temps. Quand celui qui sera le dernier musulman, à ce moment-là, ce sera lui le dernier des awliya. Mais sinon, avant la fin des temps, il n'y aura pas de khatim pour les awliya. Parce que la définition même du wali, c'est toute personne qui est croyante et qui a at-taqwa, hein, qui se préserve et qui se protège d'Allah en faisant ce qu'il ordonne. Donc, s'il est croyant et qu'il a at-taqwa, il est un mu'min. Donc il est un wali d'Allah. Donc de dire qu'il y a un khatim pour les awliya comme il y a un khatim pour les anbiya, ça c'est totalement faux. Il n'y a aucune preuve de ça, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.